Merci. Alors, il était comme un peu révolutionnaire dans le genre gothique, on peut dire ça. Je pense que, bon, là, il faut faire peut-être un petit point de donner des précisions par rapport à qu'est-ce que le roman gothique pour moi, qu'est-ce que j'entends par roman gothique. J'entends par roman gothique un genre anglais qui s'est. Qui, pour la, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est le roman gothique jusque Mathurin, c'est-à-dire jusque les années 1820. Donc un genre anglais né avec le château d'Otrante de Horace Walpole, excusez-moi, hein, je vais le dire à la française. Et donc moi, c'est ça que j'entends par roman gothique. Donc pour moi, est-ce que Nodier est un révolutionnaire dans le roman gothique? Non, parce que pour moi, le roman gothique, Nodier, met en œuvre un roman que je ne décrirais pas comme un roman gothique, mais plutôt comme un roman frénétique. Voilà. Alors, peut-être tu peux encore une fois préciser ou définir ce roman frénétique? Oui, alors. Donc, le roman frénétique. Bon, d'abord, je dois préciser que pour Nodier, ces distinctions n'existaient pas. C'est moi qui fais ces distinctions, mais Nodier ne faisait pas ces distinctions. Il parlait de romans ténébreux ou sombres ou noirs ou encore de justement frénétique. Donc, je fais la distinction parce que frénétique, c'est Nodier qui en est l'inventeur de ce genre frénétique. En fait, il a distingué, il a inventé le frénétique pour. Le frénétique pour Nodier est une sorte de mauvais romantisme ou de romantisme honteux ou outrancier. Et donc, il a inventé cette catégorie pour un peu soulager le romantisme de toutes les accusations d'immoralité, etc., qui lui étaient faites. Donc, il me semble que c'est bien de prendre ce terme pour différencier les romans de l'époque romantique, qui doivent parfois au gothique, mais qui s'en distinguent par certains traits. Donc, pour moi, le roman frénétique se distingue, mais c'est pas seulement pour moi, hein, c'est pour d'autres auteurs que j'ai cités aussi. Il se distingue du roman gothique par plusieurs traits. Donc, tout d'abord, il n'y a plus le château. Gothique, donc le château a une importance vraiment primordiale dans le roman gothique de Radcliffe, qui est le roman gothique classique, et on tend à ne plus accorder cette importance du côté des romantiques, c'est-à-dire que la terreur sort du château, le château n'est plus le lieu privilégié de la terreur.